ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal, mon côté pile ou animal. C'est fait, je ne peux rien changer, c'est arrivé, c'est oublié. Hier, demain, jamais, le temps ne passe pas, c'est moi qui passe depuis longtemps. Je mets en plus ou dans néant les jours avec et les jours sans. Les jours avec et les jours sans, je les classe indifféremment. Maintenant que ma vie s'est inversée, j'ai moins d'avenir que de passé. Les jours avec et les jours sans ne valent rien finalement. Je peux vous dire droit dans les yeux qu'avec le pire, j'ai fait au mieux. Les femmes qui m'ont aimé, les femmes qui m'ont trahi, elles sont dans ma boîte à oubli. Une boîte dont j'ai perdu la clé. On ne revient pas sur le passé. L'enfant que j'ai été, l'homme que je suis, ça fait beaucoup d'hommes dans une vie. On va, on vient, on ne reste pas. Une allumette ne sert qu'une fois. Les jours avec et les jours sans, c'est la pluie après le beau temps. Maintenant que ma vie s'est inversée, j'ai moins d'avenir que de passé. Les jours avec et les jours sans, ce sont les mêmes exactement. Je peux vous dire droit dans les yeux qu'avec le pire, j'ai fait au mieux. Il faut compter les bons moments et classer indifféremment les vrais, les faux sentiments. Les jours avec et les jours sans, je les vois passer en courant. Pour moi la vie s'est inversée, j'ai moins d'avenir que de passer.